Rapide pour celle-là. Te lèves chaque matin avec la tête dans le cirage. Si t'as pas ton café, c'est pas la peine de te parler. Qu'il fasse beau dehors ou qu'il y ait un putain d'orage, tu ne t'en rends pas compte tant que ta clope est pas fumée. Personne ne peut rien dire tant que t'as pas coupé le warning. C'est dur de faire surface, d'émerger pour aller bosser. Surtout si en plus de ça, tu n'as pas bouclé ton planning. Tu te dis dans ce cas que ça va être une journée à chier. Cool, mais qu'on se calme, va pas péter un câble. Moi, à ta place, j'irai lever des moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable que celle où tu t'emmerdes à jouer les darons. Salut Titi. Tu allumes la télé histoire de garder les infos. Ça y est, ça recommence, tu râles tout seul dans ton coin. Après les politiques, les terroristes, les écolos, tous ceux qui te dérangent dans ton habituel train-train. Du monde dans ta bagnole, elle aussi en prend plein la gueule, juste parce qu'elle n'a pas voulu partir au quart de tour. Putain, t'es chiant comme mec, franchement tu devrais vivre tout seul, mais je suis même pas sûr que tu t'en prennes pas aux alentours. Mais qu'on se calme, va pas péter un câble. Moi à ta place j'irai lever des moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable que celle où tu t'emmerdes à jouer les darons. Quand t'arrives au boulot, on sait de suite, rien qu'à ta tronche, que ça va pas être gai, qu'il va falloir prendre des pincettes, et qu'il y en aura un qui va se faire souffler dans les bronches, juste pour calmer ton humeur, franchement t'es pas très net. Cool, mais qu'on se calme, va pas péter un câble. Moi à ta place j'irai lever des moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable de sel ou du t'emmerdes à jouer les darons. Mieux de rester chez toi, siroter comme un pochetron, le cul rivé devant ta télé, là tu fais chier personne. Le gugus qui est derrière l'écran te voit pas, il s'en tamponne de ta mauvaise humeur et ton caractère à la con. Tu ressembles à mon patron qui était jamais content et qui faisait des conneries en disant que c'était les autres. Jamais ce n'était de sa faute, jusqu'au dépôt de bilan. J'ai été son bras droit, mais jamais son apôtre. Cool, mais qu'on se calme, va pas péter un câble. Moi, à ta place, j'irai lever des moutons. Cool, mais qu'on se calme, trouve-toi une vie plus stable que celle où tu t'emmerdes à jouer les darons. C'était clic, mais quand la batterie s'est arrêtée, je l'ai perdue parce que je l'avais pas mis. Thank you. first thing I remember, no, it was a lonesome ways abroad, and a youngest dream growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one can change my mind when mama tried. One and only rebel child from a family making mile, my mama seemed to know at least though. Despite all my sudden learning, the world's bad I kept on turning, the mama could not hold me anymore. And I turned 21 in prison to England with a pail. No one could steal me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but every breathing guiding aid that leave only me to blame, cause mama tried. Did old daddy raise this soul, left mama home a heavy load. She tries so very high to fill his shoes. Walking always undressed, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned on 21 in prison, doing love with a fail. No one could stay me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but that bleeding guiding aid that leave only me to blame, cause mama tried. Tu peux monter le drum, c'était juste à la limite. belle. Thank you. Thank you.

Mm-hmm.